Cours numéro 1. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنبدأ إن شاء الله تعالى في هذه الدروس on commence à partir d'aujourd'hui إن شاء الله dans ces دروس في التوحيد et on avait étudié avec nos frères اولا on avait commencé par الأصول الثلاث avec le charh de Cheikh Abdel Aziz Ben Baz, rahimahullah. Et on a fini. Et aujourd'hui, on commence avec cette deuxième risale, Al-Qawa'id Al-Arba'. Quatre règles, quatre bases, quatre fondements dans le Tawhid. Et elle est importante. Diddan, pour. On ne dit pas que pour Talib al-Ilm. On dit elle est importante pour Jami' al-Muslimin. Quatre règles que Al-Imam. Al-Mujaddid, Cheikh al-Islam, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahmatullah alayhi, il a cité dans cette risala mukhtasara pour démontrer l'importance du tawhid et la gravité du shirk. Et c'est ça, da'watul anbiya, alayhim as-salatu wassalam, ils ont tous appelé à ce fondement, al-tawhid, et ils ont tous mis en garde contre ce dhamb, ce péché, al-shirk. Comme قال عز وجل, وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول أي الله سبحانه وتعالى démontre au prophète محمد صلى الله عليه وسلم tous les messagers qu'on a envoyés avant toi إلا نوحي إليهم on leur a tous révélé وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليهم أنه لا إله إلا أنا Et personne ne mérite d'être adoré, sauf Allah. La ilaha illa ana fa'budun. Amrun min Allah subhanahu wa ta'ala, de l'adorer seul. Et dans l'autre verset, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَ Bien sûr, ce tawhid, cette ibadah, t'es obligé de délaisser le shirk. Comme on va voir dans cette risala, et c'est ça, معنى لا إله إلا الله سساء العروة الوثقة سساء الدين الصحيح donc différencier entre التوحيد et الشرك comprendre c'est quoi التوحيد pour l'appliquer connaître c'est quoi الشرك pour s'en écarter c'est ça le plus important pour le musulman الصلاة c'est très important الصيام c'est important الحج c'est important الزكاة c'est important الدين كله il est important On n'est pas, nahnu wallahi alhamd, comme certains égarés qui prétendent à certaines choses, c'est pas important. Là, din, il est important. Là, il y a des choses qui passent en premier, il y a des choses plus importantes. Et nahnu, on essaye de donner de l'importance à tout notre din. Et on fait passer les priorités avant. Et la priorité, la chose la plus importante pour le musulman, c'est le tawhid. C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé Mu'ad ibn Jabal, رضي الله عنه au Yémen pour faire الدعوة il lui a dit فليكن أول ما تدعوهم إليه la première chose à quoi tu les appelles ça c'est نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أي qui témoigne لا إله إلا الله et dans une autre rivière du hadith أن يوحد الله et qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala fimada dans l'ibada et cette risala ça va nous permettre de comprendre hada tawhid il a cité quatre règles rahmatullah alayhi Et notre dîn, il est fondé sur ce genre de règles, sur des bases. Et c'est important pour le musulman de connaître des fondements dans son dîn, des fondements dans l'iman. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. C'est des fondements. أركان الإسلام, c'est des piliers. الشهادة, الصلاة, الصيام, الزكاة والحج. كذلك الصلاة على des piliers. أركان الصلاة على des conditions. أي الطهارة, se mettre en direction de la Qibla. الركوع, السجود, réciter الفاتحة. الصيام, il a des piliers. Avoir l'intention, ne pas manger, ne pas boire, etc. Donc ça, c'est important pour le musulman. Il donne beaucoup d'importance au fondement de son dîn. Et même fil ulum ad-dunya, ils ont des fondements. C'est pour ça que quand ils étudient une matière, ils apprennent les fondements de cette matière. Tu n'apprends pas ce que tu veux. Tu lis ce que tu veux, tu délaisses ce que tu veux, tu commences par où tu veux. Là, dans notre dîn, ces fondements, on les prend du Coran et de la Sunna. Et on a choisi le sharh de Fadilat al-Sheikh al-Allama Zayd al-Madkhali rahmatullah alayh. فهو اللي معروف اللي مشهور عند اخواننا حفظهم الله. C'est un savant de la Sunna. Il est mort il y a quelques années. Wa nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yarfa' darajatahu fi al-Mahdi. Et il a beaucoup d'ouvrages, il a beaucoup de shuruh. Des shuruhat ala rasa'il Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ou Mohamed Ibn Abd al-Wahhab ou d'autres. Et il a un uslub tayyib. C'est pour ça qu'on a choisi sa risala. Annahu, c'est simple, c'est précis, concis. Il y en a à ce niveau, trop détaillé, c'est pas d'une grande utilité. Quatre bases, l'essentiel, c'est que tu comprennes les quatre règles. Et tu comprennes le sens. C'est pour ça qu'on conseille nos frères de les apprendre par cœur. C'est un petit mètre, quatre règles. Une règle par cours, ou si la règle elle est un peu plus longue, tu l'apprends deux fois, trois fois. Alhamdulillah, 4-5 cours, on a appris ce matin à neuf. Donc, nous, on va se concentrer sur la mémorisation et comprendre ces règles avec quelques exemples, avec les paroles du shir. Et nas'Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiq wa sadat. Et là, ce qu'on lit, c'est les quatre règles, on donne un aperçu général. Avant de commencer le charh, qui c'est qu'à le mettre. Awalan, il a cité une muqaddima, une introduction. Et ça, c'est muhim. Avant de rentrer dans le sujet, le shir, l'imam, Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah, il te cite une brève introduction. Et ça, c'est important. Et le sujet qu'on va traiter, il te cite des bases. Il va commencer par faire un dua azim. Thumma, il va démontrer anna ad-din, c'est tawhid. Et il va démontrer anna ce tawhid, il y a une chose qui l'annule. Donc tu dois connaître tawhid et tu dois faire attention à cette chose qui l'annule. Et là, tu peux apprendre tawhid, faire salat, faire al-hajj, et t'annules tout ça avec al-shirk wal-iyadu billah. Qala azza wa jal, walau ashraku, la habita anhum ma kanu ya'maloun. S'ils auraient fait du shirk, Allah il annule tout. Et dans l'autre verset, la in ashrakta, si tu fais du shirk, la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Ça c'est qawl Allah azza wa jalla. Si tu fais du shirk, Allah il annule tout. Et ce mushrik qui fait partie des perdants. Il a plus de hasanat. Yawm al-qiyama yahlak. Wa al-iyadu billah. Donc, Cheikh al-Islam dans cette introduction, il cite at-tawhid. Après, il cite al-shirk. Après, il te cite un exemple. Et ça, c'est important. Et ça, ça montre fiqh hadha al-imam. Il te cite le sujet. On va parler de tawhid. Il te montre c'est quoi tawhid. Adorer Allah seul. Il te cite c'est quoi qu'annule ce tawhid. Al-shirk. Donc, fais attention de ne pas l'annuler. Et après, il te cite un exemple. Il cite l'exemple de as-salat. As-salat, c'est une ibadah azima. Elle a une condition. C'est quoi? C'est at-tahara. Avoir l'eau d'eau. Est-ce que l'eau d'eau, il a des annulatifs? Aller aux toilettes. Fahada, ça annule à l'eau d'eau. At-tawhid, c'est une ibadah azima. Et il y a des choses qui annulent ce tawhid. Vous avez compris? Fahmatalan, celui qui a une bonne intention, il fait salat, il a perdu l'eau d'eau. Est-ce qu'il peut faire salat? Là, il est obligé de refaire l'eau d'eau. Ba'duhum, ils vont égorger à un wali, c'est dit Fulan, à un mort, et son intention c'est de se rapprocher d'Allah. Comme a dit Azza wa Jal, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. On les adore que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Et il adore autre qu'Allah que pour être rapproché d'Allah. Ça lui annule ses œuvres. Comme aller aux toilettes, ou dormir, ça annule l'eau. La même chose. Donc, Cheikh Al-Islam, il te montre attention à ton tawhid. Comme tu annules l'eau, fais attention de ne pas annuler ton tawhid. Amma annuler l'eau, il n'y a rien de grave, c'est normal. Tu annules l'eau, tu refais l'eau et tu fais salat. Amma annuler son tawhid, c'est une musibah. Mais celui qui l'annule et qui fait tawbah, Allah, il l'ouvre à faire tawbah, il accepte mansih, alhamdulillah. Lakin, celui qui l'annule son tawhid, il a annulé son din. Et s'il ne fait pas tawbah, فَكَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلُّ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Donc on fait attention à ne pas faire partie de هَاُولَا الْخَاسِرِينَ. Et c'est ça le but de Cheikh l'Islam dans cette risale-là. Quatre règles, c'est pour que tu ne fais pas partie des perdants, يَوْمُ الْقِيَامَةِ. Quatre règles pour pas que tu aies de regrets يَوْمُ الْقِيَامَةِ. قَالَ عَزَّ وَجَلُّ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ. Ça englobe tous ceux qui font du shirk. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Allah lui interdit le Jannah. Même s'il fait le salat, même s'il fait Ramadan, siyam, même s'il a fait le hajj plusieurs fois, s'il meurt à la shirk al-akbar et il ne fait pas de tawbah, Allah lui interdit le Jannah. Wa man yushrik billah, faqad harrama Allah alayhi al-jannah, wa ma'wahu an-nar. Al-ma'wa, c'est son refuge, sa demeure, c'est le nar. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Donc, Cheikh l'Islam, cette introduction, et il va te citer quatre règles pour que tu fasses partie des mouahidin al-fa'izin, ahl al-tawhid, ahl al-iman. Après cette introduction, il cite quatre règles. La première, an ta'lam anna al-kuffar alladhina qatalahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam muqirrun bi anna Allah ta'ala huwa al-khaliq al-muhyi al-mumit, etc. Première règle, il cite, il faut que tu saches, akhi al-karim, anna les kuffar que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a combattu, que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a démontré que c'est des kafara. Ceux qui sont morts, ils sont éternellement en enfer. Ceux qui n'ont pas fait tawbah. Ha'oula, ils reconnaissaient Allah subhanahu wa ta'ala que c'est le khaliq. Al-mudabbir. Al-muhi, al-mumit. Ils reconnaissaient hada. Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard, la yaqulun Allah. Si tu leur demandes qui c'est qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. La question qu'on se pose, hein, pourquoi Cheikh l'Islam cite cette règle ici? Indaman. Pourquoi Cheikh l'Islam nous cite première règle? Les kuffars, ils reconnaissaient Allah, que Allah, c'est lui qui crée, c'est lui qui donne. Ahsan, Cheikh l'Islam, il veut te montrer, attention, Akhil Karim. Ne crois pas que Tawhid, qui va te sauver, c'est seulement croire qu'Allah, il donne, Allah, il a créé. Même les kuffars, ils reconnaissaient ça. Donc, Cheikh l'Islam, première règle, il te montre, un Tawhid, il y a plusieurs catégories. Ar-Rububiyya, les kuffars, ils l'ont reconnu. Ça suffit pas. T'es obligé avec un Rububiyya de reconnaître et d'adorer Allah seul. Deuxième règle, أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. Deuxième règle, il te montre pourquoi ces kuffars, ils ont reconnu Allah comme créateur, mais ils ont adoré autre. On prend l'exemple kuffar Quraysh. Ils reconnaissaient Allah comme créateur, mais ils adoraient des statues. Cheikh l'Islam, il te montre pourquoi. Les أنهم, ils espéraient que ces statues les rapprochent d'Allah. Donc, celui qui fait du shirk, même si c'est pour se rapprocher d'Allah, c'est un mushrik. Troisième règle, il va te démontrer un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé en tant que messager pour faire da'wah à Mecca, il y a des gens qui adoraient des anbiya. Il y a des gens qui adoraient des statues. Il y a des gens qui adoraient des malaïka. Il y a des gens qui adoraient des arbres. Pourquoi Cheikh l'Islam cite cette règle ici? La différence du shirk. Il n'y a aucune différence. Que tu adores un caillou, que tu adores un arbre, que tu adores le soleil, que tu adores un ange, que tu adores un prophète, tu n'as pas le droit d'adorer autre qu'Allah. Si tu adores autre qu'Allah avec Allah, c'est du shirk. La quatrième et dernière règle qu'il va citer, أَنَّ مُشْرِكِ زَمَانِنَا أَغْلَدُ شِرْكًا مِنَ الْأَوَّلِينَ. Il va conclure, أَنَّ les mushriks de son époque, de l'époque de Cheikh l'Islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, et c'est valable pour notre époque, ils sont pires que les mushriks dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Les mushriks, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils étaient atteints par un mal, ils revenaient à Allah. Et il a cité le verset. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Quand ils étaient sur leur bateau, quand ils avaient un problème, tempête ou autre, ils revenaient à Allah Azza wa Jalla. Ça veut dire qu'ils ont reconnu Allah comme créateur et ils l'adoraient parfois. Mukhlisin al-Huddin, ils étaient sincères. Amma, quand ils étaient sauvés, falamma najjahum ila al-bar, al-bar c'est la terre, quand ils ont été secourus, ils ont été sauvés, idahum yushrikun, ils reviennent à leur shirk. Les mushrikoun d'aujourd'hui, Cheikh al-Islam, ils te montrent que c'est pire. Difficulté ou facilité, ils font toujours du shirk. Belle, quand ils sont en difficulté, ils adorent encore plus leurs idoles. Et ils te concluent, les mouchriks d'aujourd'hui, ils sont pires que ceux d'avant. Tout ça pour te mettre en garde, Akhil Karim. Ne crois pas que le kufr et le shirk de Kuffar Quraysh, il est plus répandu. Ne crois pas qu'il n'y a plus de shirk. Pour éviter une chose, il faut la connaître. Donc, le but de cette risala, c'est d'apprendre al-tawhid, d'apprendre shirk. On apprend tawhid pour l'appliquer et on apprend shirk pour s'en écarter. Donc, on commence al-muqaddimah, on lit la parole de Cheikh al-Islam et après, on lit le ta'liq de Cheikh Zayd. Et inshallah, l'essentiel, comme on a dit, c'est l'apprentissage par cœur des règles, comprendre la règle globalement, connaître le dalil et, alhamdulillah, chaque règle comme ça, et on passe à un autre livre. C'est comme ça que tu apprends l'ilm. Tu n'apprendras pas tout dans Qa'il Arba. Chaque chose, son niveau. Connaître ces quatre règles, tu connais l'adillah, tu connais les masa'il, et après un autre livre, au sol sita, au kitab tawhid, au nawaqid islam, au l'wajibat, et t'apprends, jusqu'à que tu arriveras au niveau de Fath al-Majid, l'explication de Sharh kitab tawhid, c'est un livre global fit tawhid, c'est la référence, et inshallah, tu auras compris cette matière. Et c'est une matière azima, c'est da'wat al-rusul. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. C'est ça, da'wat al-rusul. Da'wat al-anbiya, c'est un appel au tawhid mis en garde contre le shirk. Fala taghtar. Ce qu'ils essayent de faire, l'un, croire aux gens, un al-islam, c'est telle chose, l'islam, c'est le tawhid, est mis en garde contre le shirk. C'est ça l'islam. Tout le reste, c'est une application du tawhid, qu'à salat, ou zakat, ou siyam, ou hajj, et respecter ses parents, respecter les voisins, tout ça, t'as une bonne niya, tu fais ça l'illah. Et, mise en garde contre le shirk, et ce qui vient après comme ma'asi, comme bid'a, comme mukhalafat. C'est ça notre dîme. Allez, tartar. Ils essayent de faire croire que l'islam c'est une coutume. En l'islam, t'es gentil, t'as le sourire, t'as un bon comportement, t'es un bon muslim. Un muslim c'est le tawhid. Et bien sûr, tout ce qui va avec, comme bon comportement, comme salat, comme respecter les voisins, prendre soin de ses parents, de ses proches, et mettre en garde contre le munkar, mettre en garde contre le shirk, mettre en garde contre le bid'a, mettre en garde contre les égarés. C'est ça notre dîme. C'est un tout. Lakin, avant de comprendre le tout, tu dois comprendre la base. Si tu n'as pas compris la base, comment tu vas comprendre le reste? Et nous, c'est ça le but de notre risala. Falaqra, nabda. Qala al-imam, Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah. Et on a déjà expliqué en détail, on avait fait des doros, mais al-Ikhwan, ils ont propagé la biographie de Cheikh al-Islam, quand on avait commencé Kitab al-Tawhid, à l'époque, quand on était à Damaj, et Alhamdulillah, elle est propagée. Rahmatullah alayhi, celui qui veut plus de détails. Al-Ulama, ils ont écrit des biographies et ils ont expliqué c'était qui Cheikh al-Islam. Qala rahimahullah, as'alullah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, an yatawallaka fi al-dunya wal-akhirah, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakar, wa idha btuliya sabar, wa idha adnaba istaghfar. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. أولا يفعل un dua pour celui qui va lire sa risala. Et ça montre le bon comportement, ça montre الرحمة الشفقة pour celui qui lit. فهكذا le professeur avec ses élèves, هكذا le père avec ses enfants, هكذا le musulman avec son frère. أنه لي veut le khayr. C'est pour ça que avant de détailler, il fait ce dua أسأل الله الكريم. Il demande à Allah سبحانه وتعالى الكريم. رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت. Encore un deuxième dua. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر إلى آخره. Ce dua. قال شيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإن هذه القواعد الأربع تتعلق بتصحيح الاعتقاد. Et c'est la chose la plus importante. فليكن أول ما تدعوهم إليه Shahadati an la ilaha illallah. Et dans l'autre riwaya, an yuwahidullah. Première chose pour le da'i illallah, c'est il appelle au mu'taqad sahih, au tawhid. Et la première chose pour le musulman, c'est de faire des efforts d'apprendre sa aqidah. Et on a déjà cité que pour bien comprendre sa aqidah, il te faut plusieurs choses. Awalan, la sincérité. Pourquoi tu fais des efforts et t'apprends cette aqidah? Lillahi subhanahu wa ta'ala. Là, tu sais que Allah il nous a ordonné. Comme a dit Azza wa Jalla, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun." Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour ça, pour l'ibada. Donc ton intention, c'est de faire la chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé. Être sincère. On ne fait pas ça pour l'argent, on ne fait pas ça pour être connu, on ne fait pas ça pour satisfaire les gens. Là, notre but, c'est ridallah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que ceux qui sont contre, ou qui mettent en garde, ou qui ne sont pas pour, ou tout ça, ça ne dérange en rien. Si Allah il est satisfait, azza wa jal, le reste, ce n'est pas important. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas attention au grand nombre. Le but, si Allah il est satisfait de toi, tu es tout seul, ou tu es mille, Allah il est satisfait de toi, alhamdulillah. ويوم القيامة on vous a déjà cité le hadith à plusieurs reprises comme في حديث ابن عباس شيخ الإسلام il a cité d'ailleurs ce hadith في كتاب التوحيد أن نبي من الأنبياء يوم القيامة il viendra tout seul pourtant il a appelé au توحيد لأن c'est la da'wah de tous les prophètes et يوم القيامة il sera tout seul personne n'a répondu est-ce que ça lui a fait du mal jamais est-ce que Allah il est satisfait de lui là chaque c'est un prophète c'est un nabi donc c'est ça notre but donc première chose pour apprendre pour comprendre cette aqidah, la sincérité. Deuxième chose, apprendre cette aqidah, عند أهل الحق. Tu dois apprendre ce din, surtout ce mu'taqad sahih, chez أهل السنة. Chez ulama السنة. Chez أهل الحق. حتى tu comprends. أما apprendre le din, عند أهل الباطل, tu comprendras tawhid comme lui veut. Pas comme c'est cité dans le Coran et dans le Sunnah. Pas comme ils l'ont compris al-Sahaba, pas comme ils l'ont compris al-Salaf. Tu le comprendras comme lui il veut. Et si c'est un égaré, il a une compréhension d'égaré, ça peut être une cause d'égarement. Ta'ammalou le danger. Il veut apprendre son dîn pour avancer, il s'égare. Pourquoi il apprend ce dîn chez les mauvaises personnes. Troisièmement, il te faut des outils. Et parmi les plus grands outils pour comprendre ce dîn, la langue arabe. Les textes sont en langue arabe, le Coran en langue arabe, la sunna en langue arabe, les savants ils parlent arabe, les explications elles sont en arabe. Nous, on s'entraide à expliquer une partie en français en donnant de l'importance à l'arabe. Ça, c'est essentiel. Et notre dîn, il est en arabe. Parler qu'en français, c'est pas la solution. Le charh, on le lit en arabe. Et on fait des ta'liqat en français pour faciliter à nos frères. Les efforts en langue arabe. L'arabe, c'est la clé. La clé pour les ouvrages, pour comprendre. Donc, on donne de l'importance. Tout ça, c'est trois choses, sincérité, le professeur qui est apte, qui est capable, qui a les capacités, et la langue arabe, tout ça avec la régularité et la patience. Al-istimrar wa sabr. Même si tu as la langue arabe, même si tu es un professeur qui a la capacité, ça peut être un savant de l'islam, tu es sincère, si tu ne patientes pas, au bout de deux cours, tu vas arrêter. Et tu n'arriveras pas à comprendre. Ou tu n'es pas régulier. Un jour tu viens, le prochain cours tu ne viens pas. Thomas, tu viens le troisième, tu loupes le quatrième. Tu n'arriveras pas à comprendre. Même si à la base, tu as la capacité. Obama, un frère qui a moins de mémorisation, qui comprend moins l'arabe, il est régulier et il comprendra plus que ce frère qui n'est pas régulier. Donc, patience et régularité. Avec tout ça, le conseil, ne te précipite pas à vouloir les fruits. Tu as fait deux doros, j'ai pas compris. Tu n'as pas compris deux doros, tu comprendras au troisième. Tu n'as pas compris au troisième, tu comprendras au quatrième. Qadr, tu n'as rien compris, tu n'as jamais compris. Indallah, si tu as fait les efforts, t'es excusé. Tu as fait un effort, tu n'arrives pas à comprendre, tu es récompensé et Inch'Allah, tu es à la khayr. L'essentiel, c'est l'effort. Et les doulous de tawhid, c'est très simple. C'est pour ça que tous les frères, wallahi alhamd, ils comprennent. Lakin, la tasta'jil al-thamara. Ne te presse pas à vouloir les résultats. J'arrive pas à apprendre par cœur, j'arrive pas à comprendre. Et c'est une cause que Shaitan, il fasse tout pour que tu délaisses. Et le Shaitan, il fait partie de. Et il n'a pas réussi à appliquer ce tawhid et il fera tout pour que tu ailles avec lui dans le nar. Donc fais attention, akhil karim. Qala Cheikh Zayd, fa inna hadhihi al-qa'id al-arba'a tata'allaq bi tashih al-i'tiqad wa sata'ti mufassala Et on a donné un aperçu, on les a lus en résumé. Les Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. Thumma qal, il va expliquer l'an, la première partie, As'alullah al-Karim, Rabb al-Arsh al-Azim, il a akhiré. قال ابتدأها المصنف المصنف c'est المؤلف c'est l'auteur رحمه الله بالدعاء il a commencé par الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل لقارئها والسامعها ولكن ولكل من يطلع عليها et c'est important ça ça vous montre fiqh de ce imam sa compréhension du din si Allah subhanahu wa ta'ala il te guide il te facilite tu y arriveras. At-tawfiq min Allah Azza wa Jal. Et si tu n'as pas ce tawfiq, tu n'y arriveras pas. Même si tu fais des efforts. Un problème dans l'intention. Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu wa antum la ta'lamu. Donc, faire des efforts dans son intention, connaître la méthodologie et faire ad-du'a. Il y en a combien de personnes, ils essayent d'apprendre, ils n'y arrivent pas. Ou des obstacles, ou ils n'arrivent pas à finir. Il y a un problème. Donc, toujours fais du'a. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite. Demande à Allah azza wa jal qui te fasse comprendre. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui fasse de toi un savant de l'islam. Et inshallah tu fais les efforts. Amma ne pas faire du'a ou négliger ad-du'a, c'est pas tayyib pour un talib al-ilm qui veut avancer vers l'ilm. Et kadhalik pour un musulman, on fait toujours ad-du'a. Lian Allah subhanahu wa ta'ala il possède tout. Il donne à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala, il gère tout. Donc demande-lui, akhi al-karim. Qala, wa hadhihi tariqatu al-mu'allifin al-qudama rahimahumullah lima'rifatihim bihajati al-abd ila Allah azza wa jal wa ila rahmatihi wa maghfiratihi wa ila inayatihi bihi wa ri'ayatihi lah. Al-ulama, al-a'imma, les savants de l'islam, ils connaissent l'importance de du'a. C'est pour ça qu'ils savent que pour réussir, ad-du'a. Tout ce qu'on a cité, c'est des causes. Tu apprends l'arabe, tu fais des efforts, tu es régulier, tu es patient. Ça, c'est important. Lakin, fais le dua. Fais le dua qu'Allah te facilite ces causes. Et bien sûr, le dua avec les efforts. قال فقدم الرسالة بهذا الدعاء الكريم لأن الإنسان إذا أعطاه الله عز وجل من نعم الدين والدنيا فشكر الله عليها كان خيرا له. C'est pour ça que Cheikh l'Islam parmi le dua qu'il a fait, وَأَنْ يَجْعَلَكَ مِمَّنْ إِذَا أُعْطِيَ شَكَرْ. Si tu es reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donne l'ilm, tu arrives à apprendre, par exemple, que notre risala, tu arrives à l'apprendre par cœur, tu arrives à la comprendre, تَشْكُرُ Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es reconnaissant, Allah subhanahu wa ta'ala, il te rajoute. قَالَ أَوْ إِبْتَلَاهُ فَصَبْرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ. كَذَلِك, si tu es éprouvé, tu patientes, c'est un khayr pour toi. C'est pour ça qu'il a fait ce dua. Wa idha btuliya sabr. Yana, tu peux être éprouvé. Tu peux être éprouvé par la maladie. Tu peux être éprouvé par la pauvreté. Et ce ilm, il demande de la patience. C'est pour ça que Cheikh l'Islam, il te fait ce dua. Idha btuliya sabr. El mu'min yubtala. El mu'min hakada. Sunnat Allah subhanahu wa ta'ala, annahu il éprouve le mu'min. Li anna Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le mu'min. Fa idha ahabba Allahu qawman ibtalahum. Allah, quand il aime un peuple, une catégorie de gens, il les éprouve. قال أو ابتلاه فصبر كان خيرا له كذلك أو وقع في الذنوب ولا بد أن يقع فاستغفر فغفر الله غفر الله له كذلك تانت خما أنك tu peux et tu feras كما قال شيخ زي أن الذنوب c'est obligé que t'en fasses ça veut pas dire qu'on en fait attention à هذا أن الشيطان il ouvre une porte عند بعض الناس أن je suis faible, je suis un être humain, tout le monde fait des péchés, j'en fais. Là, là, on fait tout pour s'en écarter. Là, qu'on n'est pas ma'asoum. Et quand on fait une erreur, كما قال في الدعاء, وإذا أدنب استغفر. Donc ça c'est important. Trois choses il a citées. الشكر والصبر والاستغفار. Et il va les citer, Cheikh Zayd, رحمه الله. قال ومن دون شك أن الله إذا جمع للعبد بين هذه الأمور فقد منحه السعادة والحياة الطيبة المباركة في حياة العمل وفي دار الجزاء على العمل فضلا منه ورحمة وهو عز وجل ذو الفضل العظيم. Parce que trois choses, c'est pour ça qu'il faut beaucoup qu'on les demande. الشكر, par rapport à la ni'ma, Si tu as une ni'ma, que ce soit ilm, que ce soit mariage, que ce soit enfant, que ce soit bonne santé, tes parents ils sont toujours là, tu es dans un bilad musulman, tu es un musulman, ushkurullah subhanahu wa ta'ala, ne sois pas insouciant. Léana, c'est une ni'ma azima. Et ce choc, il va te permettre d'avoir une vie taïb. Pourquoi? Léana, tu sais qu'il y a des gens, ils n'ont pas ça. Kam minan nas l'an, c'est des kuffars. Yahoud, Nasara, des athées. Anta, c'est une ni'ma. Donc, que cette chose, ça te repose. Tu dis, alhamdoulilah, je suis à la khair. Kam minan nas, ils sont à l'hôpital l'an. Ils ne peuvent pas bouger, aslan. Anta, alhamdoulilah, tu te déplaces, tu viens au dors, tu arrives à faire tes courses tout seul, tu arrives à manger. Barda nas, ils ont pas toutes ces choses. Ça te repose. Comme minan nas, ils n'ont pas où dormir, pas de quoi manger. Anta, alhamdulillah, walaou, t'es pas riche, alhamdulillah. Tu manges, t'arrives à dormir, t'arrives à te déplacer, n'aime. Donc, ces trois choses, fil haqiqa, ça te facilite. Al-shukr, al-sabr, et les épreuves qu'on a citées, pauvreté, maladie, et kadalik, al-istighfar. C'est n'aime min Allah, liyana, même si tu glisses, même si tu fais un dhum, si tu demandes pardon, Allah il te pardonne. C'est une ni'ma azima. بعض الناس ربما tu te trompes avec un frère ou autre, tu fais une erreur, il te pardonne pas. Tu as une bonne intention, tu lui demandes pardon, il te pardonne pas. Et ça te blesse. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Ghaffar, c'est le Ghafour. C'est Arhamur Rahimin. Une erreur, une faute, un grand péché, même du shirk, tant que tu es vivant, tu demandes pardon, Allah il te pardonne tout. At-ta'ib, celui qui fait tawba, c'est comme celui qui a pas de dhanb. هذا فسن نعمة عظيمة جدا الاستغفار ولو تدن l'argent que tu veux on قدر أن واحد il a fait une erreur il veut se racheter avec de l'argent il pourra pas ولو il donne des millions des milliards أما الاستغفار tu demandes pardon t'es sincère t'as l'intention de ne pas refaire التوبة الله سبحانه وتعالى il te pardonne قال الشيخ زيد لهذا قال المؤلف فإن هؤلاء الثلاث الشكر والصبر والاستغفار الشكر être reconnaissant الصبر patienter الاستغفار demander pardon ces trois choses يعني من إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر عنوان السعادة العنوان c'est le titre en arabe si on traduit mot à mot c'est un titre tu me demandes c'est quoi العنوان de ce livre je te dis c'est le قاعد الأربع السعادة si tu veux lui donner un titre pour la reconnaître et السعادة c'est le bonheur Ces trois choses. Tu veux être heureux, patient, sois reconnaissant et demande pardon. Sois reconnaissant parce que Allah il donne à tout le monde des ni'am, la vie, l'islam, la bonne santé, etc. Sois patient, Léana, tu seras éprouvé. Tout le monde a des épreuves par rapport à son iman. Et al-istighfar, Léana, personne est infaillible sauf ceux que Allah subhanahu wa ta'ala il a rendu infaillible qu'à l'anbiya. Mafhoum. Donc ces trois choses. عنوان السعادة قال فالشكر عند النعمة un bienfait ta position الشكر t'es reconnaissant قال والصبر عند الابتلاء une épreuve t'as une arme ولله الحمد pour cette épreuve pour repousser cette épreuve la patience والاستغفار في كل حال pourquoi لأن on fait des erreurs des fois volontairement des fois involontairement des fois par oubli etc donc l'estighfar c'est toujours C'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup l'istighfar. قال والاستغفار في كل حال لا سيما عند الذنوب والتوبه منها فهذه الثلاث عنوان السعاده وعنوان الحياه الطيبه المباركه كما اسلفت قريبا et chacun de nous il espère avoir cette hayat tayyiba fi dunya et fi l'akhirah. En tant que musulman on espère avoir une vie heureuse ici-bas et après notre mort. Les causes et العنوان comment être heureux الصبر والشكر والاستغفار وبعد هذا شرع المؤلف في الموضوع مبتدئا بتنبيه القاري بالفعل الذي يدل على التنبيه ثم الى commencer un autre passage اما قوله رحمه الله ان يتولاك في الدنيا والاخره شيخ زيد il l'a pas cité dans son commentaire ان يتولاك ça vient de الولايه اي Il fait un dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala, tu deviennes un wali lillah. Liyanna ya al-wali et ya al-adou. L'ennemi, c'est l'adou. Al-wali, c'est, ils traduisent par l'allié. Qal shaykh al-islam al-wilaya did al-adawa. Al-wilaya, c'est avoir comme allié un tel. Al-adawa, prendre pour ennemi un tel. Cheikh l'Islam, il fait un dua pour que tu deviennes, tu sois un allié d'Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya wal akhirah. Qal wa aslu al-wilaya al-mahabba wal-qurb. Al-wilaya, c'est se rapprocher et être aimé. Enfin, ce dua qui fait Cheikh l'Islam, c'est pour que tu deviennes un wali lillah. Et Allah, il t'aime et il te rapproche. Et s'il t'aime, il te rapproche, il te préserve. Et il te secourt. Enfin, c'est un dua azim. قال واصل العداوه البغض والبعد اما لو كونترير دو ولي سي لنمي كلكان ك الله يدتست اي كلين ولي دونك سان دعاء عظيم اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يتولاك في الدنيا والاخره سي ك الله سبحانه وتعالى يفاس دو توا ان اليي في الدنيا والاخره اي ايتام اي تو رابروش اي تو بريزير اي اولياء الله سبحانه وتعالى يسون في الجنه كون تي مور يسون في الجنه المؤمنون الموحدون كذلك قال شيخ الإسلام وأن يجعلك مباركا أينما كنت cette partie كذلك شيخ زيد il l'a pas cité قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه حقيقة اللفظة أن البركة كثرة الخير ودوامه c'est quoi البركة البركة c'est qu'il y a du bien dans une chose et ce bien il est régulier quand on dit اللهم بارك C'est que Allah met de la baraka dans cette chose et que cette baraka est régulière. C'est pour ça que quand tu as un enfant, maintenant, si on fait un dua, on dit Allahumma barak. Qu'Allah met de la baraka dans cet enfant. Aïe du khayr, al-iman, wal-ilm, etc. Et ce khayr, il est régulier. C'est ça le baraka. C'est pour ça que Cheikh l'Islam قال Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt. Où que tu sois, tu es à la khayr. C'est un dua azim. Il aurait fait que ce dua. Ça aurait été un dua azim, jiddan. Alors avec tout ce qu'il a rajouté, c'est wadih. Qala al-imam ibn al-qayyim, rahmatullah alayh, inna barakat al-rajul. C'est quoi la baraka dans un homme? Inna barakat al-rajul, ta'limuhu lil-khayr, haythu hal. C'est ça la baraka. La baraka, c'est pas que la bonne santé, ou être grand, fort. C'est pas que ça la baraka. Ça, c'est la baraka dans son corps. أما أنفع من ذلك بركة العلم قال إن بركة الرجل تعليمه للخير حيث حل أو كي سوا يمونتر aux gens بركة c'est un خير pour les gens الآن ونصحه لكل من اجتمع به quand il est avec quelqu'un النصيحة surtout cette personne elle se trompe elle fait mal une chose il la conseille برفق ورحمة بركة est-ce que c'est un خير الآن cet homme c'est un خير لأن les gens ils profitent de lui قال قال الله تعالى عن المسيح واجعلني مباركا اينما كنت كي سيكا في الدعاء سي المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام الى دوموند الله سبحانه وتعالى ان يجعله مباركا اي لا بركه اوكل سوا اي معلما للخير داعيا الى الله مذكرا به مراقبا في طاعته فهذا من بركه الرجل ومن خلا من هذا فقد خلا من البركه ومحقت بركته بركة لقائه والاجتماع به celui qui n'a pas ça et l'envie du ilm de propager le ilm de montrer la haqiqa sa baraka il a pas de baraka donc c'est pas que les choses de dunya qu'il faut regarder plus important que ça al baraka fi al ilm c'est pour ça qu'on fait du'a an Allah subhanahu wa ta'ala yubarik lana fi awqatina on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il mette la baraka dans notre temps dans nos durous dans nos efforts dans notre lecture etc. Et là, si Allah met de la baraka, même si tu lis peu, ça devient du khayr pour toi. C'est pour ça que tu trouves ba'dan nas baraka. Un peu, et ça lui est utile. Ba'dan nas, rubbama, il lit un livre entier, pas beaucoup de baraka. Il lit le livre, il n'applique pas. Aïn al-baraka. Al-Qur'an hujjatun lak, ou alayk. Hakada qal Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça montre à la lecture du Qur'an, pour certains, c'est de la baraka. Hujja pour lui. Pour certains, c'est pas de la baraka. Al-Qur'an hujjatun lak, ou alayk. Imma c'est pour toi, si tu l'appliques, imma c'est contre toi. Et il lisait là qu'il ne l'applique pas. Et Inch'Allah Ta'ala, le prochain dars, on continuera. Hada al-Sharh al-Tayyib. Aujourd'hui, on a fait une brève muqaddima avec la parole du Shir. Et Inch'Allah, le prochain cours, nakmil ma stata'na. Subhanak Allahumma hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.